Radio. Aujourd'hui, midi. Ne ratez rien des meilleurs moments de l'année 2018 au 106.9 Mauricie avec Raphaël Peupin. Le meilleur de l'année 2018. Aujourd'hui, midi. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Le 106.9 Mauricie vous présente « Que la Mauricie se lève » avec Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Votre référence en information. Que la Mauricie se lève. Honnêtement, est-ce que je suis heureux? Non. Non, vous êtes. Bon, mais non, mais tu me poses une question, Catherine. Oui, c'est correct. S'il répond, là, est-ce que tu me poses la question, est-ce que si vous auriez à vous représenter, est-ce que vous présenteriez? J'ai dit non. Oui. Ça veut dire que je suis un homme heureux? Probablement pas. Ben, ouais, mais Catherine, pas okay, probablement, parfait. C'est sûr. Okay, est-ce que non, j'aime l'environnement? Non. Ça, vous avez été assez honnête pour le dire. Bon, okay, sinon... Vous assumez tout ça, puis... Ben oui, mais parfait. Le problème qui est arrivé, c'est après, ouais. Mais qui démissionne, qui s'en aille. J'ai jamais dit parler de démission. Non. Hey, occupez-vous de votre vie, moi, m'occuper de la mienne. Oui. Et c'est justement ce qu'il va aller faire, s'occuper de la sienne. 6h01, bienvenue. Que la Mauricie se lève, édition spéciale du temps des fêtes, peut-être remis de vos émotions à la suite de la journée d'hier. Celui que vous avez entendu, ai-je besoin de vous le présenter? C'est Yves Lévesque pour la dernière fois avant de s'en aller, ou presque. C'est une chronique qu'il tenait avec Catherine il y a quelques semaines de ça déjà, avant de tomber en congé de maladie. Et je trouvais cet extrait-là... très intéressant, honnêtement, parce qu'il disait « Oui, je suis tanné, oui, je suis plus heureux, puis j'aurais jamais entendu ça, j'aurais jamais cru entendre ça, en fait, de la part du maire Lévesque. » Un gars qui était tellement motivé par toutes sortes de choses par rapport à la ville de Trois-Rivières, puis je vais vous dire une affaire, pas juste là-dedans. Moi, je m'entraînais avec lui sur l'heure du midi pendant 3 ans, pas comme partenaire, là, on n'est pas amis nécessairement, mais on allait au même gym et ça donnait qu'on arrivait à peu près aux mêmes heures. Puis, je vais dire que j'étais le parent pauvre des deux, là, tu sais. Il pousse. Sacrifice, j'ai jamais vu ça. Puis c'est un gars, tu sais, il a 61 ans aujourd'hui, fait que reculer de 3-4 ans, il avait 56-57 ans. Puis le tapis roulant pendant 1h30 de temps, je sais pas combien, là, mais tu sais, vous savez comment c'est fait, il devait être à 10, là, sur la machine ou je sais pas quoi, là. Mais tu sais, moi, je faisais une demi-heure, puis j'étais content, j'avais fait mon 5 km, peut-être un 40 minutes, mais en tout cas, moi, j'atteignais le 5 km, puis je débarquais. Lui, 1h30 de temps, je sais pas combien il pouvait faire à cette vitesse-là, là, mais probablement un 10 et plus. Et l'intensité toujours au rendez-vous, il était toujours rouge comme une patate, d'ailleurs. C'était assez rouge comme une patate, comme une tomate, peut-être, hein, ouais, ça va. À moins que tu parles d'une patate rouge. Ben, ça fitait c'est ça la beauté de l'affaire. J'ai failli faire un pelletierisme ici. Donc voilà, ben ça va meubler une partie de l'émission de ce matin aussi. Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui se disent « Bon, ben c'est beau, là, on en s'est attendu parler. » On va juste vous boucler la boucle ce matin là-dessus en vous repassant quelques extraits là, d'ici 7h et aussi à 7h10. Ne manquez pas notre segment avec Martin Franqueur, éditorialiste au Nouvelliste. Et je trouve intéressant de l'avoir, Martin, parce que, évidemment, c'est un leader d'opinion au Nouvelliste, mais aussi, il a couvert lui-même le conseil municipal, a côtoyé Yves Lévesque, une expérience qui touche la politique municipale assez vaste, donc pourra aussi mettre tout ça en perspective, parce qu'on a entendu, notamment depuis hier, les mots historiques. C'est un moment historique pour Trois-Rivières. Trois-Rivières perd l'un de ses grands leaders, même des fois, on entendait l'un de ses plus grands leaders. C'est toujours difficile de mettre ça en perspective quand on a le nez collé sur la vitre comme on est aujourd'hui. Avec le recul, peut-être qu'on comprendra et on verra ce qui a été accompli au final, mais pour l'instant, ben on retient plus l'homme que ses réalisations généralement, là, parce que c'est trop frais. Mais Martin va pouvoir mettre ça en perspective avec nous. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Je prends le temps de saluer l'équipe, Marc-Antoine Nounès. Salut Marc-André. Aux nouvelles et Mathieu Plante. Hello! À la réalisation et toute autre tâche connexe. Hier, c'était que la Mauricie Lévesque, ça. On se rappelle de ce gag-là, il était tellement mort, je le refais deux fois. Ce matin, c'est que la Mauricie se relève d'hier. Tu vois? Aïe, aïe. Je vais faire ça à chaque jour que je suis ici, il faut s'habituer. C'est pas juste moi qui est dans les jeux de mots. C'est ça, t'as de la compétition, Marc-André, je fais attention. On se comprend, lui et moi, c'est ça. Là, si t'en fais des trop drôles, je vais devoir t'indiquer la porte. Faut pas que je te batte. C'est ça, exactement. Faisant de moins grande qualité que les miens. À date, c'est bien. C'est un bon niveau. Maintenant, bon niveau, faut le déterminer, mais ça, c'est autre chose. Donc, la dernière de l'année, en ce qui nous concerne, localement, parce qu'après ça, vous allez entendre ce qu'on appelle, nous autres, les émissions réseau, donc les émissions produites à Montréal, mais diffusées sur nos ondes. Mathieu Beaumont. Oui. Et exactement, qui a travaillé ici, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, tous les collaborateurs du réseau Cogeco, pour un retour local le 3 et 4 janvier, alors qu'on aura traversé le jour de l'an et qu'on aura plein de choses à se promettre, notamment de ne plus faire ceci ou cela cette année avec nos résolutions. On en reparlera le 3 janvier de nos résolutions. Ça va être intéressant. Moi, j'ai ce genre d'affaires que je prends toujours. J'en prends 3. J'en tiens 2. Ben, c'est toujours la même que je tiens pas. C'est laquelle tu tiens pas? J'arrive jamais à l'heure. Non. Ça doit faire 10 ans que j'écris à être plus ponctuel. Et j'arrive à l'heure pile ou 2 minutes en retard, ce que je considère comme très à l'heure. Ouais, c'est correct. En radio, ça se fait pas vraiment, par contre. Attends. Non, c'est ça, effectivement. Bon, j'étais là à l'heure ce matin. Ben, limite, là. Ah! Il était là avant toi. La beauté de la chose, c'est que ma préparation est faite d'avance. Au moins. Alors, il ne me reste qu'à arriver. Et c'est peut-être le principal défi ce matin, arriver au travail. Il est peut-être de bonne heure. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà au boulot. Et ceux qui ne le sont pas, ben, si vous y allez aujourd'hui, vous allez voir qu'à l'extérieur, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est plus compliqué un peu. La neige est déjà assez abondante. Un 4 à 5 cm qui est tombé selon les secteurs de la Mauricie. On est plus 2 à 4 là, à Trois-Rivières présentement parce qu'il y a quand même pas mal de vent. En tout cas, dans le secteur où j'habite, là, c'est ça donnait pas sa place. T'es venu en ski d'ailleurs, en doux le retard. Absolument, avec mon casque d'aviateur russe et tout le reste. Mais effectivement, et ce qui est drôle là-dedans, c'est que t'as de la glace sous cette neige-là. Exact. Alors, c'est ça qui est un peu vicieux là-dedans, parce que tu te dis, bon, une couche de glace, c'est pas si mal, mais vraiment, la neige ne colle pas aux pneus et fait seulement se déplacer sur la glace. Alors, ça peut rendre ça compliqué, notamment aux intersections et dans les courbes. Alors, soyez prudents. D'ailleurs, salutations aux déneigeurs et déneigeuses ce matin qui s'occupent de nos rues et de nos cours respectives. Et pour avoir regardé rapidement tantôt sur Québec 5-1, je dirais que sur l'ensemble du réseau routier, c'est assez couvert, la chaussée. La visibilité est réduite à plusieurs endroits. J'ai parlé à un auditeur également un peu plus tôt qui circulait, lui, sur la route 157, donc entre Shawinigan-Sud et le Cap-de-Madeleine. Ouais. Et là, ça risquait vraiment d'être problématique, je vous dirais, ce matin, puisque c'est vraiment, vraiment couvert. Et comme tu l'expliquais, là, avec cette fine couche de neige qui recouvre la glace, il faut vraiment être prudent ce matin. Exactement. Si vous voulez discuter de quoi ça a l'air dans votre secteur ce matin, 819-376-1069. On va tenter de s'entraider entre nous autres pour se donner des petits trucs, peut-être des secteurs à éviter, des secteurs où il y a de la congestion, des secteurs où c'est plus glissant que la moyenne. 819-376-1069, on va s'aiguiller là-dessus. Aussi, je vous le disais, c'est la dernière de l'année en ce qui nous concerne au 106.9. Ce qui veut dire qu'on va jeter tout de suite un regard sur 2019. Et comment on va faire ça? J'adore. Avec une astrologiste, comme disait Rogatien, le personnage de Patrick Huard. Mm-hmm. Une astrologue va être avec nous autres à 8h10. Marie-Christine Dean va prédire notre avenir. Et je tiens à rappeler que l'année passée, je crois qu'ils avaient fait le même exercice, mais avec Claude, Serge et puis Catherine. Oui. Et ça avait été que du négatif. Je pense que quelqu'un qui partait en congé de maladie, des gens perdaient leur emploi. Donc, j'appréhende ce moment avec beaucoup de fébrilité ce matin. T'es en train de dire que rien n'est arrivé de tout ça, non, c'est ça? Non, au moins. Quand même. Faut pas suivre là-dessus trop. Non. Mais c'est un moment assurément divertissant. Oh, oui, ben vraiment. Et je me suis dit qu'en cette période du temps des fêtes, ça ferait du bien un peu d'aller ailleurs. C'est pour ça que tu voulais nos dates de naissance, nos mensurations, tout ça. C'est en plein ça. Et ton numéro d'assurance sociale également. Oui. Ça c'était pour d'autres choses. L'heure à laquelle j'ai été conçu et tout. C'était tellement détaillé. Mais sois pas regardant. C'était pour autre chose, mais je te promets que je ferai rien avec ça. On va également faire le tour de ce qui s'est passé dans l'actualité sportive mauricienne dans la dernière année. Et je suis assez content ce matin parce que celui qui va venir nous livrer ça, vous l'avez peut-être reconnu en tant que gérant des Aigles juniors Élite. Jean-Philippe Lemay va être avec nous. On va tenter de donner le goût de faire de la radio sur le long terme. Et on va commencer ça aujourd'hui avec son regard de gars qui a baigné dans le milieu sportif. Élite va pouvoir répertorier tout ce qui a été important dans le monde sportif, parce qu'on vous parle souvent des événements internationaux, des équipes, des ligues professionnelles. Puis oui, ça, on peut en parler aussi parce que dans les faits, les Aigles sont dans une ligue professionnelle et tout ça. Mais quand tu regardes ça, souvent on vous parle du Canadien, on vous parle de l'Impact, on vous parle des Alouettes, on vous parle de toute autre sorte de sport, la Formule 1, des choses comme ça. Localement, on a eu des sacrées belles réussites en 2018 et on va s'en reparler tantôt avec Jean-Philippe. Et aussi pour les amateurs, moi la période entre Noël et Jour de l'An, c'est le moment de l'année où je ne sais pas quoi faire. On dirait que, tu sais, un coup que tes parties sont passées ou les parties sont dans la soirée, dans le jour, on dirait que je sais comme pas quoi faire. C'est plus t'es quel jour de la semaine? Ben c'est ça, puis tu sais quand t'as des journées comme aujourd'hui ou des journées où il pleut ou il y a de la pluie verglaçante, des choses comme ça que tu peux plus ou moins sortir, tu sais, tu peux pas dire ah je vais aller me faire du ski, je vais aller faire de la raquette, je vais aller faire, je sais pas, du hockey ou peu importe. Je cherche quoi faire. Et l'une des personnes qui va venir nous suggérer des trucs à faire notamment, c'est la lecture. Puis on l'oublie, puis ça peut avoir l'air un peu la lecture est tellement 2002, lui, là. C'est le domaine intellectuel, tout ben ça. Non, mais c'est ça. Mais Audrey Martel de la librairie L'Exèdre va nous suggérer des lectures de dernière minute. Tu sais, tu sais pas trop quoi lire, t'as envie de lire, mais tu sais pas trop où tu te trouves dans le genre que t'aimerais lire, l'auteur que t'aimerais lire. Tu veux peut-être quelque chose qui est pas trop long parce que justement, c'est le temps des fêtes. T'as le goût de juste te divertir, t'évader, mais tu veux pas t'engager dans un roman de 800 pages. Ben, Audrey Martel va venir nous suggérer quelques livres de dernière minute, des coups des de cœur de dernière retard. Minute. Ça peut être ça aussi. Des gens qui se donnent les cadeaux après le Boxing Day. Oui. Entre Noël et Jour de l'An. Non, mais c'est vrai. Oui. Entre Noël et Jour de l'An, donc ça peut être ça aussi. Une solution pratique et moyen de se divertir assez facilement. J'aime ça, ce retour à la base, là aussi. T'sais, on le voit avec les jeux de société, il y a de plus en plus de game bar, là, où on les appelle comme ça en anglais, mais ouais. Les endroits où, je pense au Mauvais Perdant, Trois-Rivières, puis s'il y en a d'autres, là, vous me les donnerez, mais des endroits où tu as des cafés ludiques et tout ça, tu t'en vas là, tu t'assieds avec ta gang, tu joues à des jeux de société, puis me semble que tu retournes dans le passé. C'est un peu drôle, parce qu'à l'ère de la technologie, quelqu'un qui s'est dit, on va s'ouvrir un café avec des tables puis des chaises où le monde va se parler, puis ils vont jouer à des jeux de société. Je pense qu'on a besoin. Hein. Mais je pense que oui. Mmh. C'est un peu ça aussi, je trouve, avec la lecture. Tu sais, rien contre les gens qui lisent sur des tablettes et tout ça, mais moi, j'ai encore besoin, à défaut de tuer ma planète, d'avoir mon livre qui sent fraîchement l'imprimé dans mes mains et dont je vois l'avancement. Il y a ça qui est le fun aussi que tu peux pas avoir sur la tablette. Tu sais, t'as beau dire que tu descends ta page ou tu montes ta page, mais c'est pas le fun d'avoir mettre ton signet puis te reste à peu près 20 pages à lire puis tu dis la prochaine fois, c'est là que je le finis. Tu sais, c'est pas le même feeling. Ceci étant dit, trêve d'orgasme littéraire. Dans les actualités que j'ai connouvelles ce matin, Marc-Antoine Nounès. Bien, comme tu l'as dit un peu plus tôt, on revient bien sûr sur cette démission d'Yves Lévesque pour boucler la boucle. Et Yves Lévesque a indiqué bien sûr hier qu'il renonçait à jouer le rôle de maire pour des motifs médicaux. Et selon le président de l'Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, eh bien M. Lévesque pourra se vanter d'avoir légué un fort bel héritage aux amoureux de la culture de Trois-Rivières et du reste de la province. Ce qu'il a fait au cours des dernières années, entre autres avec le développement de l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, a démontré qu'en dehors de Montréal et Québec, on pouvait attirer la population de toute la province. Et donc, je lui lève mon chapeau. Et à chaque fois que j'allais à l'amphithéâtre, je lui envoyais un petit mot en disant « c'est magnifique ce que tu as fait ici ». Dans un message destiné à ses concitoyens, il a clairement indiqué qu'il n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur. M. Lévesque aura connu une longue carrière en politique municipale qui aura duré près d'un quart de siècle. Et selon le député fédéral de Trois-Rivières, Robert Aubin, le simple fait de demeurer aussi longtemps dans l'arène publique représente un véritable exploit. On a tendance à sous-estimer l'engagement des politiciens et politiciennes en politique municipale où 7 jours par semaine, pratiquement 24 heures par jour, ils sont dans le tissu urbain interpellés constamment. Autant le maire que les conseillers sont des gens qui sont constamment auprès du public qu'ils desservent. Le natif de Grand-Mère, Daniel Lamarre, a été décoré de l'Ordre du Canada. Il a joint l'équipe du Cirque du Soleil en 2001 et occupe depuis les fonctions de président et chef de la direction. La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a annoncé hier une centaine de nouvelles nominations, dont celle également de Peter Simons et des journalistes Daniel Lessard et Charles Tisser. Saint-Hubert. Il y a une cérémonie qui va avoir lieu à Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale l'an prochain à Ottawa. On se rappelle que l'Ordre du Canada, créé en 1967, rend hommage deux fois par année à des personnes qui transforment la société. Un mot rapidement sur ce jeune fugueur de 17 ans, Dylan Ricard, qui était recherché hier en après-midi. Eh bien, il a finalement été retrouvé en fin de soirée. Une automobiliste âgée de 42 ans est morte et cinq personnes ont été blessées dans un accident survenu sur l'autoroute 10 hier à Brossard, sur la rive sud de Montréal. Deux des blessés sont toujours dans un état critique. Il s'agit de la personne qui occupait le siège passager du véhicule qui a causé l'accident, ainsi qu'un enfant qui se trouvait également dans la voiture. On peut écouter le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay, qui a plus de détails. Selon les premières informations, il semblerait que ce soit un véhicule qui circulait sur l'autoroute 10 en direction ouest, donc en direction de Montréal, qui aurait perdu le contrôle, traversé le terre-plein central et entré en collision avec au moins deux véhicules qui circulaient, eux, en direction est. Et finalement, le tsunami qui a frappé l'Indonésie le week-end dernier a fait 426 morts selon un bilan revu à la baisse par les autorités. Un précédent bilan faisait état de 430 morts. Une vingtaine de personnes demeurent portées disparues. Les autorités ont en revanche doublé à 40 000 le chiffre officiel des personnes déplacées et fait toujours état de 7 200 blessés. Merci Marc-Antoine. FM 106.9.ca, section nouvelles pour savoir tout ce qui se passe chez vous. À la météo pour aujourd'hui. C'est de la neige qui va se changer en pluie verglaçante en fin de matinée. D'ici là, 5 cm sont attendus, avec un maximum de 0 pour aujourd'hui. Ce soir, la nuit prochaine, de la pluie verglaçante qui va se changer en pluie intermittente au fur et à mesure que la soirée va avancer, parce que c'est ça qui est curieux, ça va se réchauffer. On va gagner à peu près 15 degrés dans la journée. Entre maintenant puis la fin de la soirée, on va gagner 15 degrés ou à peu près. Donc, pour la nuit prochaine, c'est ça, avec du brouillard, évidemment, parce que ça va se réchauffer. Moins 8 pour la nuit à venir. Demain, samedi, de la pluie intermittente qui va cesser en mi-journée. Ça va se dégager ensuite avec un maximum à moins 10. Dimanche, c'est le retour du soleil, maximum à moins 11 à plus long terme. Lundi, des nuages majoritairement, maximum à moins 4. C'est moins 10 degrés centre-ville Trois-Rivières avec le refroidissement éolien. Ça nous donne une impression de moins 16. C'est la même chose pour la rive sud et moins 15 du côté de Shawinigan. Un petit coup d'œil à ce qui se passe dans le monde sportif. Ben, ça reprend un peu partout aujourd'hui. Notamment le Canadien qui est en Floride pour y affronter les Panthers. Sans Carey Price, effectivement. Blessure au bas du corps. Et là, les rumeurs vont bon train. Est-ce que c'est encore le fameux genou qui était blessé il y a quelques années? Moi, j'ai peur à ça. Honnêtement, là, je comprends le Canadien d'avoir signé ce gars-là parce qu'il n'y avait personne d'autre non plus. Là. Ben, quand c'est tu un regardais... très bon gardien aussi. Dans le sens où, si tu avais eu un jeune extrêmement prometteur, mettons, fraîchement repêché en première ronde, tu aurais pu dire, je vais miser sur lui, puis à la limite, je vais échanger Price ou peu importe. Comme Zachary Foucalé. Ouais, ben là, ça, c'est d'autres choses. Mais il était bon jadis. Mais maintenant, ben c'est ça. La signature à long terme, surtout, je pense que c'est ça qui pourrait faire mal à long terme, justement, pourrait créer certains problèmes parce que là, blessure au bas du corps, c'est arrivé une fois par année. Vous le remarquerez, là, depuis la blessure au genou, c'est arrivé une fois par année que Carey Price s'est absenté pour une blessure au bas du corps. Alors maintenant, est-ce que c'est toujours la même affaire? On le sait jamais vraiment avec le Canadien. Mais dans ce cas-ci, peut-être que c'est une occasion aussi de reposer le gars puisqu'on est dans le temps des fêtes. On se dit, on joue seulement deux matchs, trois matchs. Peut-être l'occasion de se reposer, tout ça. Pas faire de voyage, mais on verra. Mais quand même, Montréal-Floride ce soir, 19h. Le Canadien qui a d'ailleurs rappelé le gardien Michael McNeven du Rocket de Laval pour pallier à l'absence de Price. C'est Anthony Niemi qui va obtenir le départ. Il y a les Cataractes qui affrontent les Tigres à Victoriaville ce soir, 19h. Et ça aussi, ça va être intéressant parce que c'est le premier match de Yann Drozd après son retour du championnat mondial junior. Si vous ne l'avez pas vu, c'est normal parce qu'il était pas dans le groupe principal, donc pas le groupe qui passe à la TV. Donc, il était dans un groupe, vu que le pays qu'il représente n'est pas une des puissances. Il y a comme un sous-tournoi, là, sans vouloir rien enlever. Disons-le de même, là. Et il est de retour alors que Valentin Nussbaumer, lui, est avec l'équipe de Suisse qu'on a vu perdre aux mains du Canada hier. Et aussi, quatre matchs sont disputés ce soir dans le hockey senior 3A de la Mauricie. Il y a notamment Windsor à Plessisville, 20h30. Câble-la-Madeleine, Louisville à la même heure. Waterloo, Bécancour, 20h30 toujours. Et Nicolet à la Tuque, du côté de la Haute-Mauricie, à 21h. Un petit coup d'œil sur... un petit coup d'œil, attends un peu, je vais le mettre à l'endroit. Un petit coup d'œil concernant ce qu'il y a sur les journaux ce matin. Ah! Dans le Nouvelliste ce matin, il est question évidemment de la démission d'Yves Lévesque. Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Yves Lévesque confirme sa démission de la mairie de Trois-Rivières. Il y a Martin Franqueur qui signe un éditorial aussi, une triste sortie de scène. On retrouve ça en page 12. Et effectivement, je pense que dans le scénario que Yves Lévesque avait écrit pour son départ, c'est pas comme ça que ça se passait. Bien au contraire, donc. Et ce qui est intéressant dans le Nouvelliste aussi ce matin, si vous avez une chance de le regarder, c'est on dresse une espèce de palmarès de ceux qui pourraient le remplacer. Et ça va être intéressant. On a tous nos idées là-dessus. Et ça sera pas mal le fun de voir qui se manifestera. Déjà, François Bellil, conseiller du secteur Pointe-du-Lac, n'a pas caché ses intentions. Il y a également Valérie Renaud-Martin qui est en réflexion. Elle n'a pas dit oui ni non hier, mais ce sera curieux de voir parce qu'elle était quand même pas mal ébranlée aussi. Et il y a également Pierre-Luc Fortin, le conseiller municipal, qui, quand on lui a posé la question, les médias, êtes-vous intéressé par la mairie de Trois-Rivières, il a souri. Il a dit, ben, je préfère, mettons, répondre plus tard. On va laisser cette journée-là à M. Lévesque, mais je vais répondre plus tard, avec un sourire. Ah, subtil. Donc, mettez-le dans la gang des « ouais, peut-être ». En tout cas, je vais y penser assurément. Puis, outre les conseillers, il y a d'autres figures là, de la politique, peut-être un peu plus de façon régionale, qui pourraient être tentées par ce poste-là. Bien, c'est là que ça va devenir intéressant aussi, parce que, oui, il y a les conseillers municipaux, mais il y a également des pointures intéressantes. T'sais, on parle de Julie Boulay, on l'a entendu tellement souvent depuis quelques jours. Robert a reçu Jean-Denis Girard hier. M. Girard n'a pas l'air prêt tout de suite, mais d'après moi, si on lui tire... la couverte un peu, là, je pense qu'il va y aller. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura évidemment une évaluation de qui est là aussi qui va être effectuée, parce que tu veux pas y aller si tu vois qu'il y a des superstars. Mais peut-être que tu veux y aller pareil parce que tu crois en tes chances. C'est juste que tu vas aimer mieux passer free, permets-moi l'expression. Tu démarques moins si t'es pas un nom déjà connu. Que d'avoir à te battre aussi. Même si t'es connu dans ce cas-ci, mais mettons là, une course à la mairie là, où t'as, exemple, un conseiller municipal de renom. Dans ceux qu'on a nommés, ça pourrait être ça. T'as, par exemple, Julie Boulay, t'as, mettons, Robert Aubin, dont le nom a circulé aussi, t'as Jean-Denis Girard, puis toi, t'es, je sais pas qui, là, t'es... Marc-André Pelletier, mettons. Ouais, non, mais plus célèbre que ça, quand même. Non, mais un gros nom qui dit, ah, je vais y aller, tu regardes ça, puis tu dis, hey, si je gagne, je vais gagner avec 15-20% des votes. À moins que, vraiment, tu donnes une volée à tout le monde, puis que tu ressortes de là à 50, là, puis que les autres aient 5% chacun. Mais, tu sais, quand tu vas évaluer ça, ça va être ça aussi, le nerf de la guerre là-dedans. Puis, il y a peut-être des candidatures qui vont faire que ça n'arrivera pas à cause de ça. Il y a Jean-François Aubin aussi, qui, depuis qu'il a perdu ses élections il y a un an, n'a pas cessé de travailler en se disant, ben l'évêque va peut-être aller au fédéral maintenant, peut-être plus vite que prévu. Mais bon. Mais effectivement, l'impression qu'on va assister peut-être à une course... 4 ou 5 vrais bons candidats, pas comme on a déjà connu, là, des candidats obscurs qui vont récolter 1,5% puis qui disent des niaiseries tout le long de la campagne. Ça, on a déjà connu ça. On les nommera pas ce matin. Non, on les nommera pas. Donc voilà, ça va être assez intéressant dans tous les cas. Voilà pour le Nouvelliste. Dans le Journal de Montréal ce matin, il est question d'un homme qui demande l'aide médicale à mourir. Rendez-vous avec la mort le 8 janvier, c'est ce qu'on retrouve sur la une. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me trouble. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui choisissent justement l'aide médicale à mourir. Mais maudit que j'aurais de la misère à faire ça, moi. Même si j'étais en phase terminale ou sans espoir ou... Je me dis, hey, tu décides. Puis, tu sais, il y a quelque chose de beau en quelque part parce que tu décides de ta fin. Oui. Tu décides du moment, tu décides de comment ça va se passer, tu décides avec qui ça va se passer. Mais tu sais littéralement la date de ta mort. Exact. C'est ça. C'est, moi, ça m'effraie. Puis c'est sûr que j'ai une grande peur de la mort, là, pour être franc avec vous autres. Là, on en a déjà parlé dans cette émission-là. J'ai pas peur de grand-chose, mais la mort, ça me fout les jetons à chaque fois. Et là, de dire, effectivement, le 8 janvier, c'est terminé. Merci, bonsoir. Colin, que je trouve ça déchirant. Au moins, il ne manquera pas le bye-bye. Hein? sacrifice! Bon, moi, je réagirais pas à cette blague. Il y a également Carey Price qui est blessé au bas du corps. On retrouve ça en une du Journal de Montréal. Et aussi, le choc des idées. On vous présente deux analyses, deux chroniques de José Legault et de Denise Bombardier ce matin. La montée de François Legault, un peu une espèce de modus operandi, comment il s'est rendu en haut de la pyramide du pouvoir. Et aussi, Denise Bombardier, le besoin de se rassembler. On profite de l'occasion de la période des fêtes, oui, pour se rassembler. Mais c'est plus que ça ce matin dans sa chronique. C'est de dire, vous voyez partout, là, présentement, on se rassemble, on a du plaisir et tout ça. Il faudrait se rassembler plus souvent, mais pas dans le cadre d'une fête, mais dans le cadre, par exemple, de l'engagement politique, de l'engagement citoyen et tout ça. Alors, c'est une chronique assez intéressante ce matin. Dans Le Devoir aussi, les cas de E. coli ont bondi en 2017. Depuis les dernières années, le nombre de cas d'infection à la bactérie E. coli est en hausse. Il y a les communautés autochtones sur la voie de l'autodétermination. Les ministres Caroline Bennett et Jane Philpott font le bilan de leur nouveau rôle 18 mois après leur nouveau mandat. Et il y a le tarmac de l'aéroport plus contaminé que le centre-ville de Montréal. Et ça, c'est assez intéressant quand même et un peu dégueulasse. L'aéroport Montréal-Trudeau a un plus grand taux de concentration de nanoparticules que le centre-ville de Montréal. Wow. Alors, imaginez un centre-ville, ça peut être assez dégueulasse là, à certaines occasions. Ouais. le tarmac, donc, de l'aéroport Montréal-Trudeau l'est encore davantage. Alors, donc, c'est ça, les écrans tactiles des restaurants de fast-food. Ouais, c'est ça, je sais pas. Hein. Ouais. Mais... je pense qu'on va tous y penser la prochaine fois qu'on va prendre l'avion. Là, on va se dire, il y en a plus de dégueulasse qu'on pense. Imagine le pape, il arrive et il embrasse le sol, tu sais. C'est vrai? T'es en feu, toi, ce matin. Et dans la presse plus, Ralph Goodale, prochain premier ministre, c'est en politique canadienne. Il pourrait peut-être être à la tête du gouvernement fédéral. L'idée peut paraître farfelue pour plusieurs, mais le ministre de la Sécurité publique pourrait se voir confier les rênes du pouvoir à Ottawa si jamais Justin Trudeau devait perdre son élection. Il y a également le registre québécois des armes à feu. Plus de 80% des armes ne seraient pas enregistrées. Pas tellement intéressant comme nouvelle ce matin. Et bilan de la Sûreté du Québec, 3 fois plus de procès dans les dossiers de meurtre pour ce qui est de 2018. Alors, une autre nouvelle un peu inquiétante dans la presse plus ce matin. 819-376-1069, ça a l'air de quoi chez vous? C'est beau ou pas? C'est circulable ou pas? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ce matin? 819-376-1069. À 6h26, on s'arrête un instant au retour de la pause. Mathieu va nous offrir sa chronique qui s'appelle normalement Raphaël Libre. Ce matin, ça va être Mathieu Libre. Et il sera question notamment de technologie dans un instant.